الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. أما بعد فقال المؤلف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه يعني تعجبوا كيف يشتم الرجل والديه فقال عليه الصلاة والسلام نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه هذا حديث رواه مسلم. D'après Abdullah, le fils de Amr ibn al-As, Allah l'agré, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: c'est un grand péché qu'un homme insulte ses parents. C'est un grand péché qu'un homme insulte ses parents. Alors les gens étaient étonnés. Ils ont dit, comment quelqu'un va-t-il insulter ses propres parents au messager de Allah? Ils ont dit, est-ce qu'il arrive que quelqu'un insulte ses parents au messager de Dieu? Il a dit ce qui signifie, oui, cela peut arriver. Un homme insulte le père d'un homme et l'autre répond en lui insultant son père à lui. Puis un homme insulte la mère d'un homme et l'autre répond en lui insultant sa mère à lui. Vous voyez, donc indirectement, c'est comme s'il a insulté ses propres parents. C'est comme si indirectement, il a insulté ses propres parents. Et c'est un hadith qui a été rapporté par Muslim. Wa qala alayhi salatu wa salam, inna allaha harrama alaykum uquq al-ummahat, wa man'an wahat, wa wa'd al-banat, وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال حديث رواه البخاري. إلى القفات عليه الصلاة والسلام dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, a enseigné certaines choses. Il a dit, entre autres, que Allah vous a interdit de faire le uquq envers vos mères, c'est-à-dire de faire un mal non négligeable à vos mères. Et Allah a interdit d'enterrer les filles vivantes. Et Allah Ta'ala n'agré pas le fait de rapporter les paroles. Un tel a dit de faire la médisance ou le colportage des paroles pour semer la zizanie entre les gens et également de gaspiller l'argent. Allah n'agré pas que l'on gaspille l'argent. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tad'u ala awladikum لا تدعوا على أولادكم أن يوافق ذلك إجابة من الله عز وجل فلا تدعوا الأم بما لا تحب أن ترى في ولدها انتبه الأم لا تدعو أحيانا الأم تغضب لكن رغم غضبها لا ينبغي أن تدعو بالشر على أولادها لأنه قد يوافق ذلك ساعة إجابة فترى في ولدها ما لا تحب. D'après le fils de Omar, que Allah l'agré lui et son père, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: ne faites pas d'invocation contre vos enfants. ne faites pas d'invocation contre vos enfants. Par crainte que cela coïncide avec un temps où l'invocation va être exaucée. Par crainte que cela ne coïncide avec un temps où l'invocation est exaucée et qu'il se réalise dans vos enfants ce que vous n'aimeriez pas voir. Donc que la mère fasse attention, même si elle est en colère contre son enfant, qu'elle ne dise pas d'invocation de mal contre son enfant, par crainte que cette invocation coïncide avec un moment où l'invocation est exaucée et qu'il se réalise quelque chose qu'elle n'aurait pas apprécié pour son enfant. C'est pour cela qu'il faut faire attention. وعلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال جئنا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله أفما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهنة إحدى كنا في بيتها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله. Et d'après Anas ibn Malik, ou Allah l'agré, les femmes sont venues voir le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui ont dit, ô messager de Allah, les hommes, ils peuvent faire des actes que nous ne faisons pas. Ils vont gagner beaucoup de récompenses. Est-ce que nous avons quelque chose qui nous permette de gagner autant de récompenses qu'eux? Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie le fait que la femme entretienne sa maison, le fait que la femme fasse les tâches ménagères, cela lui permettra d'obtenir une récompense semblable à la récompense de ce que font les hommes et que les femmes ne font pas. Tout ça pour indiquer le mérite d'œuvrer et d'être au service de sa famille. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكنا نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال إخ ليحملني خلفه فاستحيت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحيت فمضى. D'après Asma, la fille de Abu Bakr. C'est qui Asma? C'est la sœur de Aïcha. Asma, c'est la sœur de Aïcha. Aïcha, c'est l'épouse du prophète عليه الصلاة والسلام. Asma, c'est sa sœur. Et Asma, que Allah l'agré, elle a dit: Az-Zubayr m'a épousé. Az-Zubayr, c'est le fils de la tante paternelle du prophète. Az-Zubayr ibn al-Awwam, c'est le cousin du prophète. Sa mère, c'est la sœur du père du prophète. D'accord? Donc, elle a été mariée avec Az-Zubayr. Elle a dit, Az-Zubayr m'a épousé et il n'était pas quelqu'un de riche. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Il n'avait pas de fortune, il n'avait pas de serviteurs. Il avait juste un animal qu'il utilisait pour puiser de l'eau. Et il avait sa monture, sa jument. Alors c'était moi qui a fourragé sa jument. Et c'est moi qui puisais de l'eau. Et je faisais, je pétrissais le pain. Et je ne savais pas bien faire le pain. C'était des voisines à moi, des femmes de Ansar, qui étaient des gens de bien, qui m'aidaient pour fabriquer le pain. Et je transportais les noyaux de dattes sur ma tête, depuis la terre que le prophète avait donnée à Zubayr. Le prophète avait donné un lopin de terre à Zubayr. Et je portais sur ma tête, et c'était à deux tiers de Farsakh de moi. Hein, Farsakh, c'est à peu près 5 km. Donc c'était loin. Elle a dit un jour, j'avais sur ma tête ces noyaux de dattes. Et j'ai rencontré le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il était dans un groupe de compagnons de Ansar, des partisans de Médine. Il m'a appelé, il a dit « c'est-à-dire il a fait à sa monture pour qu'elle s'accroupisse, pour que je puisse monter derrière lui. J'ai eu honte de marcher avec un groupe d'hommes, et je me suis rappelé que Az-Zubayr était quelqu'un qui était jaloux, il ne supporte pas que sa femme parle avec des hommes, donc... قالت وكان أغير الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحيت فمضى. Elle a dit le messager de Allah صلى الله عليه وسلم il a su que j'avais honte, il est parti. قالت فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النواة ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحيت منه وعرفت غيرتك. Donc Elle est rentrée quand elle a rencontré son mari. Elle a dit, je suis partie voir Al-Zubayr. Je lui ai dit, j'ai rencontré le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et j'avais sur ma tête les noyaux. Et il était avec un groupe de ses compagnons parmi les Ansar. Et il a fait accroupir sa monture pour que je puisse monter derrière lui. Mais j'ai eu honte et j'ai su que tu étais quelqu'un de jaloux. فَقَالَ وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ. Il a répondu par Allah, le fait que tu portes les noyaux de date sur ta tête, mais plus éprouvant que tu montes derrière le messager de Allah. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. Elle a dit jusqu'au jour où Abu Bakr, c'est-à-dire elle parle de son père, m'a envoyé un serviteur qui me délivre, qui m'évite d'avoir à gérer le cheval, à encourager le cheval, c'est comme s'il m'a affranchi, c'est comme si j'étais esclave et qu'il m'a rendu ma liberté. Et tout ça pour dire, et ça c'est rapporté par Al-Bukhari, tout ça pour dire combien les femmes s'occupaient des tâches ménagères. Et c'est ça, ça c'est un exemple qui indique. Et notre cheikh, il a dit, beaucoup de femmes aujourd'hui, elles sont atteintes de maladies parce que elles ne travaillent pas comme les femmes d'avant travaillaient. Avant, les femmes utilisaient leur corps pour faire des tâches ménagères. Maintenant, beaucoup, elles sont sédentaires ou bien elles ont un rythme. Et c'est pour ça que beaucoup sont atteintes de maladies. Et à cause de cela. Le chapitre suivant, l'auteur a dit la récompense de celle qui, ce qu'ils appellent, a fait une fausse couche. عن سهل بن الحنظلية وكان لا يولد لها قال لأن يولد لي في الإسلام ولو سقط فأحتسبه أحب إلي من أن تكون لي الدنيا جميعا وما فيها وكان ابن الحنظلية ممن بايع تحت الشجرة. Et d'après سهل بن الحنظلية, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Il a dit, j'espère tellement avoir un enfant dans l'islam, même si ma femme fait une fausse couche, parce que grâce à cela, je peux patienter et gagner des récompenses. Et cela vaut mieux pour moi que de posséder tout ce bas monde et ce qu'il contient. C'est-à-dire que la récompense est grande pour celui qui perd un enfant et qui patiente au lieu de se rebeller contre Allah. أما إذا تعمدت المرأة إسقاط ما فيه الروح كان قتل مؤمنا. Par contre, si c'est une femme qui, provoque l'avortement, si c'est une femme qui provoque l'avortement, alors cela est quelque chose qui revient à tuer quelqu'un de croyant. Ça revient à tuer quelqu'un de croyant. فَأَنَّ قتل الجنين الذي نفخت فيه الروح في بطن أمه كقتله وهو يمشي على الأرض. Donc parce que le fait de tuer un enfant qui est dans l'utérus de sa mère, après que l'âme a été insufflée dans le corps de cet enfant, c'est comme tuer quelqu'un qui marche dans la rue. C'est la même chose. Dès lors que l'âme a été insufflée dans le corps, avorter, c'est comme tuer un homme qui marche dans la rue. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Et dans Sourate At-Takwir, Allah Ta'ala dit, donc dans ces deux versets, lorsque la fille qui a été enterrée vivante, quel était son péché pour être enterrée vivante? وقد روى جويرية بن أسماء عن عمه قال حججت وإنا لفي رفقة إذ نزلنا ومعنا امرأة فنامت فإذا حية منطوية عليها قد جمعت رأسها مع ذنبها بين ثدييها فهالنا ذلك وارتحلنا فلم تزل منطوية عليها لا تضربها حتى دخلنا أنصاب الحرم فانسابت فدخلت مكة فقضينا نسكنا وانصرفنا حتى إذا كنا بالمكان الذي انطوت عليها فيه الحية وهو المنزل الذي نزلت فنامت واستيقظت والحية منطوية عليها ثم صفرت الحية فإذا الوادي يسيل علينا حيات فنهشتها حتى بقيت عظاما فقلت لجارية كانت معها ويحك أخبرنا عن هذه المرأة قالت بغت ثلاث مرات كل مرة تلد ولدا فإذا وضعته سجرت التنور ثم ألقته في وعياذ بالله يعني حرق الطول. جويريا le fils de Asma a rapporté de son oncle, il a dit: j'ai fait le pèlerinage et j'étais dans un groupe, j'étais un groupe de personnes. Nous avons fait une halte et il y avait dans le groupe une femme, elle s'est endormie et j'ai vu qu'il y avait une vipère qui était recroquevillée sur cette femme. Elle avait, c'est tout fait comme en boule, la tête avec la queue, au niveau de la poitrine de cette femme. Nous avons eu peur de cela et nous avons continué notre voyage. Et tout le temps, cette vipère était au niveau de la poitrine de cette femme. Elle ne la mordait pas. Donc elle était juste à ce niveau. Il a dit, quand nous sommes arrivés aux limites de Al-Haram, elle l'a quitté. La femme est entrée à la Mecque, nous avons fait notre pèlerinage et nous sommes revenus. Lorsque nous sommes revenus à l'endroit où la vipère était sur la poitrine de cette femme, elle s'est endormie, elle s'est réveillée et elle a retrouvé cette même vipère au niveau de sa poitrine. Puis la vipère a sifflé, c'est alors que toute la vallée, toutes les vipères de la vallée sont venues, elles ont dévoré cette femme, elles n'ont laissé que des os. Alors j'ai lu à une femme qui était avec elle, et lui a dit, dis-nous, quelle est l'histoire de cette femme qui était avec nous? La vipère l'a laissé faire le pèlerinage, puis au retour, elle a été dévorée. Elle a dit, c'est une femme qui a commis la fornication à 3 reprises. À chaque fois, elle tombait enceinte, et dès qu'elle mettait au monde, elle le mettait dans le four, l'enfant, et le tuait. Ça, c'est certaines des choses que Allah montre. Mais le châtiment de l'au-delà est beaucoup plus douloureux. Et Allah Ta'ala a montré certaines de ces choses à certaines personnes pour que ce soit une exhortation pour nous. Tahrim ma yusamma bita'jir al-arham, l'interdiction de ce qui s'appelle la location des utérus ou la gestation pour autrui. هذه المسألة تنتشر بين السفهاء والساقطين من الناس باسم إباحة تأجير الأرحام وهي أن يؤخذ مني رجل ويوضع مع مني غير زوجته الذي يسميه كثير من أطباء هذا العصر البويضة ثم يوضع في رحم هذه المرأة التي هي ليست زوجة لهذا الرجل صاحب المني وهذا الفعل حرام مؤكد لما فيه من تضييع الأنساب وكشف الفروج وباقي الجسد عند الأطباء لغير ضرورة شرعية. Donc c'est une question qui s'est répandue chez certains qui ne craignent pas Dieu sous prétexte de ce qu'ils appellent la gestation pour autrui. C'est de prendre le mani d'un homme et de le mélanger avec le mani de autre que de son épouse, ce que beaucoup appellent l'ovule à notre époque. Puis ils mettent le mélange dans l'utérus de cette femme qui n'est pas l'épouse de cet homme, donc qui est propriétaire de ce sperme, celui à qui ce sperme appartient. Cela est sans aucun doute interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que d'une part, c'est une perte des lignées. On ne sait plus qui est fils de qui, et qui est le père de qui est la mère de qui. Donc il y a une perte de lignage. Il y a dévoilement de zones de pudeur et du reste du corps devant des médecins, alors qu'il n'y a pas de nécessité légale. وهذا الفعل يفتح أبوابا من الفساد للمجانين. فماذا يقول هؤلاء الأطباء أو المشايخ أو الدكاترة أو الدعاة الذين يبيحون هذا الفعل؟ هل يرضون لأمهاتهم وزوجاتهم وأخواتهم وبناتهم أن يكشفن فروجهن وأن يعرضن للريبة والتهمة بحجة أن تؤجر رحمها فتصير مشابهة للزانيات اللواتي يمنى فيهن؟ Donc, que disent ces gens qui autorisent de pareils actes? Est-ce qu'ils acceptent que leur propre mère à eux, ou leur propre femme, ou leur propre sœur, ou leur propre fille, dévoilent leur zone de pudeur et soient l'objet d'accusations sous prétexte qu'elle loue son utérus, elle devient semblable à des prostituées? أو أن يصرن كسلعة رخيصة تستأجر فتمتهن وتنتهك حرمتها ou que ce soit comme une marchandise qui n'a pas de valeur. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة رواه ابن ماجه وغيره. Alors que le messager de Dieu صلى الله عليه وسلم a dit que le croyant, le musulman, le croyant, il est plus respectable que la Kaaba. Regardez la Kaaba, combien elle est respectable chez les musulmans. C'est notre direction pour la prière. Et pourtant, le croyant, il est plus respectable que la Kaaba. وَهَذَا التَّهَتُّكْ فِيهِ ارْتِكَابٌ لِمُحَرَّمَاتٍ عَدِيدَةٍ. Et bien sûr, de telles pratiques comportent beaucoup d'interdictions. وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس يعني يمكن الإنسان لا يفرق يحتمل أن يكون حلال ويحتمل أن يكون حرام هذا مشتبه إيش قال الرسول قال فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه يعني إذا كنت تبعد عن الشبهات أحفظت نفسك ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Donc, Al-Bukhari et Muslim ont rapporté dans leur Sahih, d'après le compagnon Abu Abdullah al-Nu'man ibn Bashir, qu'Allah l'agré, qu'il a dit, j'ai entendu le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire ce qui signifie, ce qui est licite est clair, et ce qui est interdit est clair. Ce qui est licite est clair, et ce qui est interdit est clair. Et entre les deux, il y a beaucoup de sujets qui peuvent prêter à confusion. C'est-à-dire, surtout pour ceux qui n'ont pas appris, ils ne font pas forcément la différence. Ça peut être licite, ça peut être interdit. Qu'est-ce que le prophète a dit dans pareille situation? Il a dit, celui qui se protège de ces sujets qui peuvent prêter à confusion, il aura préservé sa religion. Donc si tu t'éloignes de ces choses douteuses, tu auras préservé ta religion. Et celui qui tombe dans ces choses douteuses, il va forcément tomber dans l'interdit. Il a donné un exemple. Il a dit comme un berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos, autour d'un terrain qui appartient à quelqu'un. Donc il y a une zone qui n'appartient à personne, il fait paître son troupeau, mais lui il se rapproche de la zone qui appartient à quelqu'un. Il risque d'y pénétrer et donc de se retrouver dans un bien d'autrui. Et là, le prophète a dit ce que signifie chaque tout être qui a une souveraineté a comme une zone qui interdit aux autres. Et Allah Ta'ala nous a fixé des choses qui nous a interdites. Allah nous a fixé des choses qui nous a interdites. Et le prophète a dit ce que signifie il y a dans le corps un bout de chair. Et le prophète l'a appelé Moudra. Moudra, c'est-à-dire une bouchée. C'est pour dire qu'il n'est pas très grand par rapport au reste du corps. Comme ce que tu as dans ta bouche quand tu manges. Il y a dans le corps un bout de chair. S'il est sain, tout le corps sera sain. Et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. Quel est ce bout de chair? C'est le cœur. Dans un autre hadith, le prophète a dit que le cœur est par rapport aux autres organes comme un roi par rapport à ses sujets. Parce que si le cœur est bon, il va donner de bons ordres aux organes. Et si le cœur est mauvais, il va donner de mauvais ordres au reste des organes. Wa qala an-Nawawi fi sharh sahih Muslim ajma'a al-ulama 'ala 'izam waqi' hadha al-hadith wa kathrat fawa'idihi wa annahu ahad al-ahadith allati 'alayha madar al-islam wa hadha min al-haram al-bayyin alladhi la yushakku fihi wa la yunkiruhu illa jahilun a'ma al-qalb ba'id 'an 'ilm ad-din wa al-fiqh. Les savants ont dit que ce hadith est très important. Il indique des règles générales pour l'islam. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont licites, il y a des choses qui sont interdites, il y a des choses qui sont sujettes à confusion. Que la personne évite ces choses sujettes à confusion pour ne pas se retrouver dans l'interdit. Et pour en revenir au sujet de tout à l'heure, c'est quelque chose qui est clairement interdite et que la personne ne doit pas faire. وهؤلاء ينطبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض رواه الحافظ ابن عساكر. Ces gens-là qui autorisent de pareilles pratiques s'appliquent à eux le hadith du messager de Allah صلى الله عليه وسلم qui signifie celui qui donne un jugement sans science, les anges du ciel et les anges de la terre le maudissent. Celui qui donne un jugement sans science, les anges du ciel et les anges de la terre le maudissent. Hadith rapporté par le Hafid ibn Asakir. Donc que la personne fasse attention avant de dire « Oui, on peut faire ça. Non, on ne peut pas faire ça. Oui, c'est permis. Non, c'est interdit. » Avant de dire cela, que la personne apprenne. Sinon, regardez à quoi elle s'expose. À la malédiction de la part des anges du ciel et de la terre. فالسلامة كل السلامة في أن يعرف الإنسان قدره فيعمل بما فرض الله عليه ويجتنب ما حرم الله ولا يتجاوز قدره فيهلك ويزيغ وينحرف عن الحق والصواب. Donc la sauvegarde réside dans le fait de connaître sa juste limite, que chacun reconnaisse sa limite, qu'il ne dépasse pas sa limite, et que chacun accomplisse ce que Allah lui a ordonné de faire, et que chacun s'abstienne de faire ce que Allah interdit de faire, et de ne pas dépasser sa propre limite, sinon la personne sera égarée. قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وأبو داود عن ابن مسعود قال القاضي عياض والإمام النووي في شرحيهما لهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم يعني الذين يجاوزون حدهم هؤلاء هم المتنطعون. Le prophète عليه الصلاة والسلام dans un hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, par Ahmed dans son Musnad, par Abu Daoud d'après Ibn Mas'ud, il a dit ce qui signifie « Al-Mutanatti'un vont à leur perte ». Il a répété cela à trois reprises. « Al-Mutanatti'un vont à leur perte. »« Al-Mutanatti'un vont à leur perte. » Qui sont Al-Mutanatti'un? Le Qadi Iyad et l'imam al-Nawawi, dans leur commentaire de ce hadith, ont dit la parole du prophète « Halak al-Mutanatti'un » ce sont ceux qui dépassent leurs limites. Ceux qui dépassent leurs limites vont à leur perte. C'est-à-dire ils dépassent les limites dans la parole, et dépasse la limite dans les actes. Allah nous a fixé des limites. Que chacun ne dépasse pas la limite que Allah lui a donnée. Que chacun ne donne pas de jugement de sa tête. Certains, ils s'autorisent de dire telle chose est permise, telle chose est interdite, alors qu'il n'a pas atteint le minimum de la science de la religion. Et il n'est pas mujtahid pour dire que telle chose est permise ou telle chose est interdite. من مات لها ولد فصبرت. Celle qui a perdu un enfant et qui a patienté. عن أبي سنان قال دفنت ابني ومعي أبو طلحة الخولاني على شفير القبر. فلما أردت الخروج أخذ بيدي فأخرجني وقال ألا أبشرك حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد المؤمن قال الله للملائكة قبضتم ولد عبدي قالوا نعم قال قبضتم ثمرة فؤاده قالوا نعم قال فما قال قالوا استرجع وحمدك قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. D'après Abu Sinan, il a dit, j'ai enterré mon propre fils. Et j'étais en compagnie de Abu Talha al-Khawlani. Il était au bord de la tombe et moi j'étais à l'intérieur. Quand j'ai voulu sortir de la tombe, il m'a pris par la main et il m'a tiré. Et il m'a dit, veux-tu que je t'annonce une bonne nouvelle? Donc c'est dur, quelqu'un qui enterre son propre enfant. Il lui a dit, veux-tu que je t'annonce une bonne nouvelle? Il lui a dit, Ad-Dahhak, fils de Abd al-Rahman, fils de Arzab, m'a rapporté de Abu Musa al-Ash'ari. Il m'a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie. Lorsque le fils de l'esclave croyant meurt, Allah dit aux anges, est-ce que vous avez retiré l'âme du fils de mon esclave? Et les anges disent oui. Il leur dit, est-ce que vous avez retiré celui qui est plus cher que la prunelle de ses yeux? Et ils répondent oui. Il leur dit, qu'est-ce que mon esclave a dit? Les anges disent, Il a dit, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous appartenons à Allah et nous reviendrons à son jugement et il t'a remercié. Il a dit, Alhamdulillah ala kulli hal. Allah Ta'ala apprend aux anges, il leur dit, construisez-lui une maison au paradis. Et appelez cette maison la maison du remerciement, de Alhamd. علم الله تعالى أزلي أبدي لا يتجدد ولا يتغير. La science de Allah est une science qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin et qui ne change pas. لا يزيد ولا ينقص وهو علم واحد شامل لكل المعلومات جملة وتفصيلا. La science de Allah est une science qui est unique. La science de Allah n'augmente pas et ne diminue pas. La science de Allah englobe toutes choses en globalité et en détail. وَأَمَّا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَهُوَ لِإِظْهَارِ شَرَفِ هَذَا الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ الصَّابِرِ. Mais qu'est-ce que nous comprenons de ce hadith? C'est pour manifester l'honneur de cet esclave qui patiente. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا قَالِ لِأَنَّ اللَّهَ عِلْمُهُ لَيْسَ كَعِلْمِ الْمَخْلُقِينَ. Et Allah, il sait parfaitement ce que cet esclave a dit. Allah n'a pas besoin que les anges lui disent quoi que ce soit. Et même dans le hadith, quand le prophète a dit, Allah dit, les anges disent, ça ne veut pas dire que c'est une discussion comme l'un d'entre nous. Parce que la parole de Allah, elle est de toute éternité. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. D'accord ? C'est très important de connaître ces règles. Certains lisent les hadiths du prophète et ils s'imaginent des choses au sujet de Dieu et ils le comparent à ses créatures. Mais Allah Ta'ala, sa science est une science unique, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Sa parole est une parole unique, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Ce n'est pas des langues, ce n'est pas des lettres, ce n'est pas une conversation comme nous, c'est-à-dire nous parlons, nous nous taisons. Ça, c'est pour la créature. La parole de Allah, c'est un attribut qui est exempt de début, exempt de fin. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان أي ولدان لم يبلغا من أمتي أدخله الله بهما الجنة يعني مات قبل البلوغ من له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. Et d'après Ibn Abbas, quand Allah l'a gré lui et son père, il a dit, j'ai entendu le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dire ce qui signifie, celui qui a perdu deux enfants, c'est-à-dire qui sont morts avant la puberté, et qui fait partie de ma communauté, Allah le fait entrer par ces deux enfants-là au paradis. La récompense, c'est qu'il entrera au paradis. فقالت عائشة رضي الله عنها فمن كان له فرط من أمتك قال ومن كان له فرط يا موفقة. Et Aïcha, quand Allah l'a gré, a dit, et celui qui n'a qu'un seul enfant qu'il a perdu, Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit ce qui signifie, même s'il n'a qu'un seul enfant, toi à qui Allah accorde la réussite. C'est-à-dire que Allah lui a accordé la réussite pour poser cette question. Et même s'il n'a qu'un seul enfant qui meurt avant la puberté, il aura cette récompense d'aller au paradis. قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك قال فأنا فرط أمتي لن يصاب بمثلي. Elle a dit, et celui qui ne perd pas d'enfant, à moins que la puberté de ta communauté, le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce qui signifie le fait que moi je meurs, c'est ça la plus grande perte pour ma communauté. Ils n'auront pas une plus grande perte que ma perte à moi, que la perte du prophète alayhi salatu wassalam. وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ما فعل ابن فلان؟ قالوا يا رسول الله مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أما تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال الرجل يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. يعني هذا الثواب الذي يفقد ولدا أن يكون سببا في دخول والديه للجنة إذا صبر ولم يعترض على الله. Et d'après Muawiyah ibn Qurra, d'après son père, un homme venait de temps à autre rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était accompagné de son fils. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit ce qui signifie à cet homme, est-ce que tu l'aimes? C'est-à-dire, tu aimes ton fils? Alors l'homme a répondu, ô messager de Allah, que Allah t'agrée tout comme je l'aime. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tard, il n'a pas revu cet homme. Et il m'a posé la question à celui qui rapporte le hadith. Il lui a dit ce qui signifie, qu'est-ce que le fils d'un tel a fait? Ils ont répondu, ô messager de Allah, il est mort. Il a perdu son fils. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à son père. Il lui a dit ce qui signifie, ne voudrais-tu pas que lorsque tu veux aller au paradis, n'importe quelle porte, tu te diriges vers le paradis, tu vas trouver ton fils qui va t'attendre pour t'accompagner pour entrer au paradis. L'homme a dit, ô messager de Allah, est-ce que cette grande récompense est pour moi particulièrement ou bien pour toute la communauté? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce que signifie, c'est pour toute la communauté. Donc tout cela pour inciter à faire preuve de patience, à ne pas se rebeller contre Allah. Combien l'enfant il est cher à ses parents, malgré cela, même s'il perd cet enfant, celui qui patiente, il aura une grande récompense, c'est bien sûr il n'émet pas d'objection contre Dieu et qu'au contraire il patiente. وعن أبي عبيدة عن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغ الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار. Et d'après Abu Ubaida, fils de Abdullah, d'après son père, il a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie, celui qui perd trois enfants qui n'ont pas atteint la puberté, ils seront pour lui une forteresse, ils vont le protéger du feu de l'enfer. فقال أبو الدرداء قدمت اثنين قال واثنين. Alors Abu Darda il a dit, mais moi j'ai perdu que deux. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit ce qui signifie, même deux, tu as aussi cette récompense. فقال أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء قدمت واحدا قال وواحد ولكن ذاك في أول صدمة. Et Ubay ibn Ka'b, à son tour, c'est qui Ubay ibn Ka'b? Il est appelé Abu al-Mundhir, il est surnommé Abu al-Mundhir, et c'est le spécialiste des récitateurs du Coran parmi les compagnons. Il a dit, moi j'ai perdu un enfant. Et le messager lui a dit ce qui signifie même un enfant, mais il faut faire preuve de patience lorsque l'épreuve t'arrive. Hein, certains, lorsque l'épreuve arrive, ils perdent leur sang-froid, et ils peuvent tomber dans des péchés ou pire dans de la mécréance, mais après, ils se résignent. Mais là, le prophète a dit, il s'agit de faire preuve de patience dès le début de l'épreuve. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النساء قلنا غلبنا عليك الرجال يا رسول الله فاجعل لنا يوما يا رسول الله نأتيك فيه فوعدهن ميعادا. Et d'après Abu Sa'id al-Khudri, que Allah l'agré, les femmes se sont un jour adressées au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, les hommes sont toujours avec toi, ils profitent de toi. Consacre-nous un temps pour nous, pour que tu nous dises les paroles qui s'adressent à nous. Alors il a fixé un temps pour s'adresser aux femmes. فَأَمَرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ. Il leur a ordonné certaines choses et il les a exhortées. وَقَالَ. Et parmi les choses qu'il leur a dites, مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ. Et il leur a dit ce qui signifie, il n'y a pas une femme d'entre vous qui perd trois enfants sans qu'il ne soit un voile pour elle contre le feu de l'enfer. فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ أَوْسْنَانِ. Une femme a leur dit, et si c'est deux? فَأَنَّهُ مَاتَ الْإِثْنَانِ. Elle a dit, moi j'ai perdu deux. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَوْسْنَانِ. Et le messager صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ a dit ce qui signifie, même si elle ne perd que deux. الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. ما معنى الصبر؟ نحن نصبر. ما هو الصبر؟ أن تحبس نفسك وتقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. Donc quelle est la définition de la patience? La patience, c'est que tu contraignes ton âme, tu obliges ton âme à supporter quelque chose pour laquelle elle n'a pas de penchant, quelque chose que généralement elle a, pour laquelle elle a une aversion, ou quelque chose pour lequel elle a un penchant pour l'amener à la quitter. C'est-à-dire soit à supporter quelque chose pour laquelle elle a une aversion, ou à délaisser quelque chose pour laquelle elle a un penchant. C'est ça la patience. La patience, c'est que tu contraignes ton âme à supporter quelque chose pour laquelle elle a une aversion, ou à se séparer, à s'éloigner d'une chose pour laquelle elle a un penchant. C'est ça la patience. Et la patience fait partie des devoirs du cœur. Il y a trois formes de patience, et nous devons, c'est un devoir du cœur. Donc, première des obligations, c'est la patience pour accomplir ce que Dieu nous a ordonné de faire. N'est-ce pas que la personne aimerait bien manger et boire? Qu'est-ce qu'elle fait pendant Ramadan? Elle patiente pour faire une obligation. Donc ça, c'est un devoir. Cette patience, on doit patienter pour accomplir ce que Dieu nous a ordonné de faire. وَيَجِبُ الصَّبْرُ عَلَى اجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ. Deuxième forme de patience, c'est la patience pour éviter les choses qui sont interdites. L'âme a des penchants. Il y a des penchants qui sont licites, il y a des penchants qui sont interdits. Nous devons patienter pour les penchants qui sont interdits. Nous devons éviter les choses que Allah nous a interdites. Et là, il faut faire preuve de patience pour cela. وَيَجِبُ الصَّبْرُ عَلَى الْبَلَاءِ. الصَّبْرُ الثَّالِثُ هُوَ الصَّبْرُ عَلَى الْبَلَاءِ. La troisième forme de patience, qui est aussi un devoir du cœur, وَهُوَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الْقَلْبِيَّةِ. الصَّبْرُ عَلَى الْبَلَاءِ. C'est la patience face aux épreuves. Allah nous éprouve. Ici, cette vie, ce n'est pas le paradis. Maintenant, nous ne sommes pas au paradis. Mais c'est une résidence où on est éprouvé. Il y a des choses qui nous dérangent, des choses qui nous gênent. Donc nous devons patienter face à ces épreuves. Et plus le croyant est éprouvé, plus il patiente, plus il est récompensé. Le hadith, مَا يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ. Dans le hadith, celui pour qui Allah veut du bien, il lui fait subir des épreuves. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui fait subir des épreuves. مَا يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ. يعني حتى الشوكة التي يشاكها المؤمن حتى الشوكة في أصبعه إن صبر عليها له ثواب. Même l'épine, même l'ongle, un tout petit bout de l'extrémité de l'ongle ou de côté qui pique, si le croyant il est éprouvé par ça et qu'il patiente, Allah lui donne des récompenses. Mais tout cela à condition qu'il a la bonne croyance. هذا شرطه أن يكون على الإسلام. شرطه أن لا يكون قال كلمة كفرية ولو في الغضب. بعض الناس يأتيه شخص حتى يصححه يكون أصغر منه مثلا أو أقل شهرة منه يقول له لا تقول هذا الكلام هذا كفر فيقول أنا أقوله ويكفر والعياذ بالله هذا لا يكون ولو ابتلي ولو صبر ليس له ثواب لأنه قال كلاما كفريا donc tout ça la condition c'est que la personne ait la bonne croyance et qu'elle ne soit pas sur l'apostasie certains parce que quelqu'un qui est plus jeune que lui ou moins connu que lui vient il le corrige et lui dit attention ne fais pas ça c'est de la mécréance il lui dit moi je le fais et il fait la mécréance il dit la parole de mécréance il sort de l'islam celui-là même s'il est éprouvé et qu'il patiente il n'aura pas de récompense parce qu'il n'est pas sur l'islam la personne doit éviter de tomber dans la mécréance qu'elle soit en colère ou qu'elle soit heureuse qu'elle soit par plaisanterie dans toutes les situations la personne doit se préserver et ne pas dire de paroles qui contredisent l'islam. Allah a fait que la sortie de l'islam est facile. Une parole. Donc que la personne fasse attention. Et que la personne soit heureuse si quelqu'un vient lui montrer son défaut et la corriger. Qu'elle ne fasse pas preuve d'orgueil, qu'elle ne fasse pas preuve d'entêtement en disant « moi je dis cette parole, même si c'est de la mécréance ». Faites attention. Si quelqu'un te corrige, tu dis « Alhamdoulilah, que j'ai pu être corrigé avant de mourir. Si Allah le voulait, il fait que je meure sur cet état et que je vais en enfer. » Donc que la personne remercie Allah et qu'elle se corrige avant qu'il ne soit trop tard. وَكَتَبَ حَكِيمٌ إِلَى رَجُلٍ قَدْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ إِنَّكَ قَدْ ذَهَبَ مِنْكَ مَا رُزِقْتَ بِهِ فلا يذهبن عنك ما عوضت ما هو عوض الذي فقده الأجر يعني أنت ذهب عنك ما رزقت الله رزقك هذا فلا تفقد ما هو عوض لما فقدت يعني هو الثواب يعني اصبر هذا معنى كلامه اصبر حكيم un homme sage a écrit à un homme qui a été éprouvé. Et qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, tu viens de perdre le bien que Allah t'a accordé. Alors ne perds pas ce qu'il a remplacé. Tu viens de perdre le bien que Allah t'a accordé. Tu es éprouvé. Ne perds pas ce par quoi Allah te l'a remplacé. Par quoi il te l'a remplacé ? Par la récompense, si tu patientes. La chose que tu as perdue, si tu patientes, qu'est-ce que tu vas avoir ? La récompense. Donc, si tu as perdu cette chose, ne la perds pas, ne perds pas ce qu'il a remplacé, c'est-à-dire la récompense. En d'autres termes, c'est comme s'il lui disait, fais preuve de patience. Fafis sahihayni min hadithi Abi Sa'id al-Khudri an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qal, wa ma u'tiya ahadun ata'an khayran wa awsa'a min as-sabr. Wa ma u'tiya ahadun عطاء خيرا وأوسع من الصبر وهذا مطلوب من الرجال ومن النساء الصبر مطلوب من الرجال ومن النساء Et dans les deux صحيح d'après Al-Bukhari et Muslim d'après le compagnon Abu Sa'id Al-Khudri que Allah l'agré il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie la personne n'a pas reçu un don qui soit plus large que la patience. La personne n'a pas reçu un don qui soit plus large, plus étendu que la patience. La patience est quelque chose qui est requise de la part des hommes et de la part des femmes. L'homme patiente avec sa femme, la femme patiente avec son mari, l'homme patiente avec ses parents, la femme patiente avec ses parents, l'homme patiente avec ses enfants, la femme patiente avec ses enfants, et ainsi de suite. La patience est un grand secret pour la réussite. La patience, avec la sincérité, donne la réussite. Celui qui est sincère pour l'agrément de Dieu et qui patiente, il va réussir. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتقي الله واصبري يعني حثها الرسول على أن تصبر هو ليس معناه أنه حرام أن تبكي يجوز البكاء، لكن ذكرها تقوى الله وذكرها الصبر. فقالت وما تبالي بمصيبتي، ما عرفتوش اللي هو الرسول، قالت وما تبالي بمصيبتي. فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، يعني هي صارت قريبة تموت. فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، يعني مشيت حتى تعتذر، قالت ما عرفتكش. فقال إنما الصبر عند أول صدمة، يعني المطلوب منك الصبر عند أول صدمة، مش بعد ما عرفتني صرت تصبر، من الأول مطلوب تصبري، أو قال عند أول الصدمة. إذا في أنس بن مالك والله لقري le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam est passé auprès d'une femme qui était en train de pleurer la perte de son enfant. Oh, c'est permis de pleurer à mort. Ce n'est pas interdit comme le racontent à tort des gens. Des gens ils racontent des histoires, soi-disant il va être châtié. Ils ont mal compris un hadith. Mais c'est permis de pleurer par tristesse, par chagrin, sans hurler, sans se lamenter, sans se griffer les joues, par chagrin pour la perte d'un enfant. Et le prophète, pour la consoler, lui a dit « Ittaqillaha wasbiri », ce qui signifie « crains Dieu et patiente ». Elle lui a dit « Tu n'es pas à ma place ». Beaucoup de gens aujourd'hui, quand tu lui donnes un conseil, tu dis « Tu ne sens pas ce que je suis en train de sentir ». Elle n'avait pas reconnu que c'était le prophète. Quand elle a dit ça, elle n'avait pas reconnu que c'était le prophète. Et beaucoup de gens, quand tu vas les consoler, ils te disent « Mais tu n'es pas à ma place, tu ne sais pas qu'est-ce que je suis en train d'éprouver ». Même si tu n'es pas dans sa place, le croyant, il fait le rappel aux croyants. Et les croyants se rappellent les uns les autres et s'encouragent à patienter. Quand il est parti, les gens lui ont dit « Mais c'était le prophète qui t'a dit ça ». Elle allait mourir quand on lui a dit ça. Elle est juste passée jusqu'à chez le prophète. Elle n'a pas trouvé de portier. Elle a appelé. Elle a dit « Ô messager d'Allah, je ne t'ai pas reconnu ». Alors le prophète lui a donné une autre règle. Il lui a dit ce qui signifie « Le croyant, il convient qu'il fasse preuve de patience au premier choc de l'épreuve ». C'est là où tu dois faire preuve de patience. C'est là où tu vas moins faire preuve de force. Quand tu vas patienter et espérer la récompense de la part de Dieu. ونظر رجل إلى امرأة بالبصرة فقال ما رأيت مثل هذه النضارة وما ذاك إلا من قلة الحزن. Un homme a vu une femme dans la ville d'Al-Basra et il a dit je n'ai jamais vu un aussi beau visage. C'est certainement parce que tu n'as pas eu à faire preuve de tristesse, de chagrin. فقالت يا عبد الله إني لفي حزن ما يشركني فيه أحد. Mais elle lui a dit mais tu sais j'ai un chagrin que personne d'autre que moi ne peut ressentir. قال وكيف؟ Il lui a dit mais comment? Qu'est-ce que tu racontes? قال تخبرك أن زوجي ذبح شاة يوم الأضحى. Elle lui dit je te dis mon mari il a égorgé un mouton le jour de l'Adha. ولي صبيان مليحان يلعبان. Et j'avais deux enfants qui sont très très beaux qui étaient en train de jouer. فقال الأكبر للأصغر أتريد أن أريك كيف ذبح بالشاة. Alors le plus grand de ces deux enfants a dit au plus jeune, il lui dit, tu veux que je te montre comment mon père il a égorgé le mouton? Qala na'am, fa'akhadahu wa zabahahu. Donc le plus jeune lui a dit oui. Alors le plus grand de ses enfants, il a pris son frère le plus petit. Ils sont pas pubères, ils sont pas responsables. Et il a égorgé son frère. Qala wa ma sha'arna bihi illa mutashahhitan fi damihi. Nous nous sommes aperçus que mon petit-fils, il était en train de l'hémorragie, il était en train de mourir. قالت فلما ارتفع الصراخ هرب الغلام. Elle a dit quand nous avons crié de chagrin, mon fils le plus âgé s'est enfui. فالتجأ إلى الجبل. Il s'est réfugié dans la montagne. فأكله الذئب. Le loup l'a dévoré. فخرج أبوه يطلبه. Son père est parti pour le rechercher. فمات عطشا من شدة الحر. Mon mari est mort de soif dans la montagne. فأرادني الدهر. Il lui dit voilà comment je me suis retrouvé. فقال فكيف صبرت. Il lui a dit comment tu as fait preuve de patience. فقالت لو وجدت في الحزن دركا ما اخترت عليه. Il a dit si je trouvais dans la patience un réconfort, si je trouvais dans le chagrin un réconfort, j'aurais était triste, mais il n'y a pas de réconfort dans la tristesse. Et ça me sert à quoi? Donc je patiente et c'est tout. Jawazu al-buka'i al-mayyit. Le caractère permis de pleurer la perte de quelqu'un, la mort de quelqu'un. An ibn Abbas qala lamma mata Uthman ibn Maz'un qalat imra'atun hani'an laka al-jannata Uthman ibn Maz'un fa nazara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ilayha nazara ghadban fa qala wa ma yudriki qalat ya Rasulullah farisuka wa sahibuka fa qala Rasulullah wallahi inni Rasulullah wa ma adri ma yuf'alu bi fa ashfaqa an-nasu ala Uthman. فلما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقي بسلفنا الصالح الخير عثمان بن مضعون فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بصوته فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال مهلا يا عمر ثم قال ابكين وإياكن ونعيق الشيطان ثم قال إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. يعني إذا كان الإنسان يبكي بالرحمة فهذا من قلبه من عينه فهذا يجوز، أما إذا كان يخبش ويصيح هذا لا. D'après le fils d'Abbas, il a dit lorsque Othman ibn Mad'un était mort, une femme a dit bonheur à toi le paradis à Othman ibn Mad'un. C'est alors que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ce qui signifie et comment tu sais cela. Il lui a dit mais au messager de Allah, c'est ton compagnon. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour le renseigner de ne pas dire de quelqu'un il va aller au paradis ou quelqu'un il va aller en enfer, yani de juger rapidement sans qu'il n'y ait de texte à ce sujet, il lui a dit moi je suis le messager de Allah et je ne sais pas si lui, il va aller au paradis ou s'il va aller en enfer, yani, pour leur enseigner que ce n'est pas à elle de dire qu'il va aller au paradis. Donc ce hadith ne veut pas dire que le messager craignait pour lui-même, pour son au-delà, ou qu'il s'attendait qu'il allait être châtié. Non, mais ça veut dire que pour nous enseigner que le messager lui-même ne sait pas tout le détail des choses cachées, tout le règne. Le messager, sans aucun doute, il sait qu'il a un très haut degré. Aucun prophète ne craint que Allah ne le fasse entrer en enfer. Aucun. Celui qui croit qu'un prophète croit qu'il va aller en enfer, il sort de l'islam. D'accord ? Les gens, quand ils ont entendu ça du prophète, ils ont eu peur pour Othman ibn Mad'un, puisque le prophète n'a pas confirmé. Mais plus tard, lorsque la fille du prophète, Zainab, était morte, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « Rejoins notre prédécesseur vertueux, Othman ibn Mad'un ». Donc, c'était une allusion claire de la part du prophète que Othman ibn Mad'un était mort dans un bon état. C'est alors que les femmes se sont mises à pleurer de joie pour lui. Et Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agré, essayait de les empêcher de pleurer. Et alors le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit ce qui signifie « Laisse-les, Omar, laisse-les pleurer. » Et le prophète a dit ce qui signifie « Pleurer, mais ne mettez pas de cris comme le shaitan. » Et il a dit ce qui signifie « Ce qui vient des yeux, des larmes, et ce qui vient du chagrin du cœur. » C'est une miséricorde de la part de Dieu. Mais ce qui vient des mains et de la langue, ça c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est-à-dire pas comme certains, elles se griffent, elles arrachent le voile, elles se mettent à hurler. D'accord, ça ce n'est pas quelque chose de bien. Donc que la personne fasse attention et qu'elle ne dise pas des paroles qui sont contraires. Certains, ils interdisent de pleurer le mort, alors que c'est quelque chose de permis. Ce qui n'est pas permis, c'est de crier à la manière de l'hystérique ou de pousser des hurlements. C'est ça qui est interdit. Warada fil hadith عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به لابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى الرسول بكى على ابنه إبراهيم D'après Jabir ibn Abdullah, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris Abdurrahman ibn Awf par la main et ils sont partis jusqu'au fils du prophète qui s'appelle Ibrahim, Ibrahim le fils de Maria. Et il a trouvé que son fils était en train d'agoniser, il était en train de sortir, l'âme était en train de sortir. Alors le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a pris son fils sur ses genoux et il a pleuré, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Faqala lahu Abdurrahman atabki. Abdurrahman, le compagnon, a posé la question au prophète, tu pleures au messager de Allah ? Aulam takun nahayta an al-buka ? Il a dit, mais tu ne nous as pas empêché de pleurer ? Qala la, il lui a dit ce qui signifie non. Walakin nahaytu an sawtayn ahmaqayn fajirayn. Il a dit, j'ai interdit deux sons qui sont mauvais. Sawtin 'inda musibatin khamshi wujuhin wa shaqqi juyub wa rannati shaytan. Il a dit le fait de crier à la manière de l'hystérique au moment de la mort en se griffant le visage et en déchirant le voile et les instruments de musique interdits. C'est ça que j'ai interdit. Ce n'est pas le fait de pleurer pour la mort. Et ce hadith est dans Sunan At-Tirmidhi. Ce hadith figure dans Sunan At-Tirmidhi. Et dans une autre version, le prophète a dit « Ibn Auf innaha rahmah ». Quand Abdurrahman ibn Auf il a vu la larme du prophète, et le prophète lui a dit Innaha rahma. Dans une autre version, le prophète a dit qu'au sujet des larmes qui coulaient de ses yeux, c'est une manifestation de la miséricorde, le fait de pleurer la mort de son enfant. Et puis le prophète a dit Inna al-ayna tadma wa inna al-qalba yahzan. Inna al-ayna tadma wa inna al-qalba yahzan. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. Le prophète a dit ce qui signifie certes, les yeux pleurent et le cœur est en chagrin, mais nous ne disons que ce que Allah agrée. Nous ne disons pas de paroles qui marquent une objection contre Dieu. Et certes, ô Ibrahim, nous sommes chagrinés pour ta perte. Donc il disait ça à son enfant. Wallahu ta'ala, a'lam wa ahkam, razaqana Allahu wa iyyakum as-sabra, wa ja'alana wa iyyakum min ibadihi as-salihin, wa taqabbala Allahu minna wa minkum salih al-a'mal. Que Allah nous accorde la patience, que Allah nous accorde d'être parmi les esclaves vertueux, et que Allah agrée nos bonnes œuvres. وَرَزَقْنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ رُؤْيَةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُبَشِّرُنَا. Et que Allah nous accorde de voir notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous annoncer la bonne nouvelle. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمْ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. وبارك الله فيكم. Thank you.